Le page avait donc dit vrai. Ils veulent ma mort. Dieu ! C'est lui. Oh, s'il pouvait être seul un instant. Lui parler, le gagner. Par lui, à l'avenir, savoir... Je sais que... Vous vous appelez Dino Del Moro. Pour vous servir, madame. Quoique ce ne soit là qu'un surnom. Mon père est Fernando de Calafuente, marquis de Duero. Il gouverne la province du Genil, mais on l'appelle Fernando Del Moro parce que, ayant découvert que son intendant continuait les pratiques païennes, il le poignarda de sa main. Mon père, il a la force de deux chevaux. Bravo. Et il y a longtemps que vous avez quitté l'Andalousie? Un an. Vous ne connaissez pas le Genil? C'est le plus grand fleuve d'Europe. On dit qu'il prend sa source dans le paradis. Et cela ne vous attriste pas de vivre séparé de vos parents? Oh non. Quel cri du cœur. On m'a parlé de vous, Dino Del Moro. Ah, l'infante. Ainsi donc, vous écoutez aux portes du roi? Je n'écoutais pas, madame. Quelques mots surpris en passant. Non, non, vous écoutiez. Tout votre visage le crie. Oh, si vous pouviez le voir, vous êtes aussi impuissant physiquement à cacher l'aveu de votre visage que vous l'êtes à soulever un bahut entre vos bras. Oh, comment lui demander? Je ne sais que lui dire. Vous n'ignorez donc pas qu'il y a ici des hommes qui me veulent du mal? Beaucoup de mal. Il est très important pour moi. Le roi, dites-moi n'importe quoi. Ce jasmin, page, déjà l'autre jour, vous portiez sur vous un œillet. Vous aimez longtemps les fleurs? Quand j'étais petit, ma mère voulait que je porte toujours une fleur sur moi. Quand vous étiez petit. Et ces fils d'or et d'argent entremêlés à vos cheveux? C'est aussi ma mère qui me les entremêlait ainsi quand j'étais petit. Elle disait que c'était pour me porter bonheur. Mais maintenant, si loin de votre mère... Maintenant, je me l'aimais moi-même. Comme il est étrange. Votre mère... Ah, cette complicité avec cet enfant et sa mère. Ah non, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Dino Del Moro, pourquoi écoutez-vous à la porte de votre roi? Ah, cela, c'est l'affaire des valets de chambre. Nom du fils de Fernando Del Moro. Le roi ne m'aime pas. Pourquoi l'aimerais-je? Il ne vous aime pas? Et quand cela serait? Est-ce une raison pour le tromper? Tout le monde le trompe ici. C'est bien pour cela que vous ne devez pas le faire. S'il vous déplaît de le servir, demandez à vos parents de vous rappeler sous un prétexte quelconque, mais ne restez pas auprès de quelqu'un qui a confiance en vous pour le trahir. Vous, si petit, quel âge avez-vous? 13 ans. Vous dites 13. Ça doit donc être 12, car il faut avoir l'air grand. 12 ans. Vous êtes un petit homme avec déjà tout votre pouvoir de faire du mal. Non. Non, ne continuez pas ainsi. Je vous le dis comme vous le dirait votre mère. Il ne faut pas que les fils d'or dans vos cheveux soient seulement pour vous porter bonheur. Il faut qu'ils vous rappellent aussi que vous devez être pure, comme eux. Mais madame, ne vous ai-je pas été bien utile en répétant à l'envoyé de l'infant? C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, ne continuez pas. Le roi!